Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Boris Cyrulnik. Je sais que le genre de choses auxquelles je rêvais, c'était de faire mes devoirs à une table familiale avec une toile cirée, avec le père, la mère et la lampe. Il fallait que je me construise, disons, un monde, une maison, enfin, quelque chose qui me rattache à ma propre histoire. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre et écrivain. Est-ce que vous avez reconnu la voix que nous venons d'entendre ? Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas reconnu. C'est la voix de Georges Perec. Oh, magnifique. Merci de me le faire rencontrer. Alors, c'est sa voix en 1978 dans l'émission Radioscopie. Alors, on n'a pas choisi cette voix par hasard. Georges Perec occupe pour vous une place toute particulière, Boris Cyrulnik. Mais bien sûr, sa mère porte le même nom que ma mère. Son père s'est engagé dans le régiment des volontaires étrangers comme mon père. Ils ont disparu tous les deux. On a presque le même âge. On a été ensuite dans des institutions à Villard-de-Lans. On a partagé beaucoup de choses, y compris l'amour de la psychanalyse, l'amour de la littérature. Donc c'est mon frère d'âme. Frère d'âme, voilà, c'est ça. C'est le terme que vous employez pour en parler. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Et non. Mon désespoir, mais je le rencontre grâce à vous. Mais écoutez, je suis ravie. C'est une très belle archive qu'on a entendue parce que ce dont il parle, c'est un thème en fait qui, je trouve, vous allez me dire, Boris Cyrulnik, traverse un certain nombre de vos ouvrages. C'est la question quand même de l'enfance, de ce qui reste de l'enfance et de comment en fait retrouver ce lien avec l'enfance. Alors, l'enfance, c'est le père de l'homme. C'est-à-dire que c'est ce qui se met en place dans l'enfance, c'est pas déterminé pour toute la vie, mais c'est une direction qui est quand même déterminée. C'est une orientation qui subit les pressions du milieu. Donc Anna Freud, la fille de papa, disait « la vie c'est comme une partie d'échecs, les premiers coups sont très importants parce qu'ils donnent la direction, mais tant que la partie d'échecs n'est pas terminée, il reste de jolis coups à jouer ». Et alors, quelle définition vous pourriez donner de l'enfance ? Parce que c'est quand même l'enfance, c'est quoi ? C'est à la fois un état, c'est à la fois un âge, c'est un état d'esprit, c'est... Il n'y a pas d'état. Les états sont momentanés. C'est-à-dire que c'est une évolution constante. Dès l'instant où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, là, il y a un déterminant génétique. Puisqu'un spermatozoïde humain qui rentre dans un ovule humain ne donne qu'un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Donc, mais dès l'instant où les deux cellules fusionnent, le milieu commence à tutoriser les développements. Et donc, mais là, il y a un degré de liberté, c'est qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc c'est le déterminant existe, mais dès que la fusion cellulaire commence, le milieu parle. Alors là, Boris Cyrulnik, ça rejoint en fait vos propos donc, qui sont lisible dans votre dernier livre « Des âmes et des saisons, psycho-écologie » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'enfance, selon vous, commence à partir du moment où il y a rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule, c'est ça ? Non, je pense même que c'est encore plus précoce que ce que vous venez de dire. Je pense que... Dès le désir des parents ? Le désir des parents commence déjà à organiser la niche sensorielle dans laquelle le bébé conçu aura à se développer. C'est-à-dire que déjà le nid est organisé. Alors il y a des parents qui organisent un nid sécurisant et des parents qui, à cause de leurs difficultés personnel, social, psychologique, etc., organise déjà un nid insécurisant et c'est pourtant là que l'enfant devra se développer. Et puis il y a beaucoup quand même d'entre deux. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui organisent un nid sécurisant et puis il va y avoir des failles. Il y a des parents qui n'organisent rien. En fait, est-ce que faire reposer l'enfance sur les parents, bien avant même la conception d'un enfant en tant que tel, est-ce que ça n'est pas justement en fait déborder l'appréhension qu'on pourrait avoir de ce que c'est qu'un enfant et en fait la faire déborder de cet être-là pour la faire reporter sur les parents en fait, pour en fait finalement plus prendre en compte les parents que l'enfant lui-même. Non, c'est une transaction incessante. C'est-à-dire que l'enfant a déjà un capital génétique, c'est un enfant humain, c'est pas un hippopotame. Mais ce capital va se placer de manière étonnamment différente selon les milieux qui l'entourent. Parfois, il y aura des parents pauvres qui sont très sécurisants. Et à l'inverse, il y a des parents riches et bien élevés qui sont très insécurisants. Donc c'est toujours remis en cause à chaque étape du développement, donc c'est une transaction incessante. Alors vous nous avez dit, Boris Cyrulnik, quand est-ce que commençait l'enfance? Est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'elle se finit? Vers l'âge de 120 ans. Donc on n'y est pas encore. Non, en fait, l'enfance, on ne s'en sort jamais. Mais oui, puisque c'est une direction. C'est une direction qui est donnée, sauf que dans les petites années, ça bouillonne. On apprend avec une vitesse stupéfiante. On continue. Les premières années pour vous, c'est quoi? 2, 3 ans, 6 ans, 10 ans? Non, notre cerveau est mûr à 25 ans. C'est-à-dire, et on continue à apprendre toute notre vie, même chez les âgés, on continue à apprendre, même dans les maladies d'Alzheimer. On voit qu'il y a encore des apprentissages, notamment dans l'Alzheimer, où on perd la mémoire des mots. Eh bien, on peut encore apprendre des chansons, parce qu'on est tutorisé, soutenu par la musique. Donc, on apprend toute notre vie. Mais, après 25 ans, on continue à améliorer dans le milieu où on était déjà bon, dans la discipline qu'on avait déjà apprise. Alors que quand on est enfant, on est totipotent. On peut partir dans tous les sens. Totipotent. On peut partir dans tous les... On bouillonne. Donc on peut apprendre tout ce qui est autour de nous, on peut l'incorporer. C'est des traces cérébrales dont on n'a pas conscience et qui pourtant sculptent notre cerveau et nous font voir des types de mondes différents. Et puis, mais ça continue. Mais ça continue de moins en moins vite. Et après l'âge de 25 ans, on s'améliore là où on était déjà bon. On continue à optimiser nos bons résultats, mais on peut difficilement apprendre une autre discipline. Par exemple, les langues. On apprend la première langue, la langue maternelle, on l'apprend à une vitesse stupéfiante, alors que après, plus on vieillit, plus les langues sont difficiles à apprendre. Oui, même au collège. Oui, ben c'est déjà vieux. Hein. Voilà, c'est ça. Ce terme de sculpture est très important pour vous, Boris Cyrulnik. Je suis quand même un petit peu fascinée par l'idée que le cerveau, un être ressemble à une œuvre d'art. Je trouve que ce terme est très beau en ce sens-là de sculpture. Et en même temps, je suis aussi gênée par le fait qu'un être ne soit peut-être que le résultat, bon, le terme n'est pas beau, de l'influence de son milieu. Qu'est-ce qu'il a de propre à lui, cet être, cet enfant, si finalement son début correspond non pas à lui mais à ses parents, si sa fin n'arrive jamais et s'il est seulement la sculpture de son milieu? Alors, on est sculpté par le milieu dans l'utérus. Le milieu est organisé avant la conception et la sculpture commence dans l'utérus. Et pendant les petites années, on est très soumis au milieu. Mais dès l'instant où on parle, dès l'instant où on est maître sujet de sa parole, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc on a un degré de liberté, mais ça implique l'angoisse et le travail. Mais on a un degré de liberté. Selon vous qui êtes neuropsychiatre, mais qui avez aussi travaillé, on pourra en reparler à partir de l'éthologie, à partir de la psychanalyse, qu'est-ce qui tient proprement à un enfant quand il naît? C'est-à-dire que, par exemple, en termes de caractère, en termes, par exemple, de capacité, de mouvement, le fait qu'un enfant, par exemple, marche à 9 mois ou à 1 an et demi, le fait qu'il soit colérique, le fait qu'il mange bien, le fait qu'il refuse de prendre le sein. Qu'est-ce qui tient à l'enfant et qu'est-ce qui tient au milieu? Alors, on est sculpté par le milieu et on est tutorisé par le milieu. Par exemple, un enfant qui arrive au monde, il a déjà 1 an d'expérience. C'est déjà notre culture occidentale. 9 mois dans le ventre de sa maman et on va dire, du coup, vous dites 3 mois avant le désir d'enfant. Quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais l'enfant arrive au monde. Dans l'heure qui suit sa naissance, pourquoi est-ce qu'il s'oriente sur le mamelon? Où est-ce qu'il a appris ça? C'est pas dans les livres, c'est pas à l'école. Or, parce qu'on le pose ici? Alors, il est orienté, il est soumis à son milieu, il perçoit un mamelon, il sait ce qu'il faut faire. cognitivement, avant même, il ne prend pas conscience, j'imagine, il sait ce qu'il faut faire. Mais on constate que on a une démarche expérimentale dans les théories de l'attachement. C'est une, on peut évaluer la biologie, l'affectivité et la culture. Et l'enfant doit accrocher le regard de sa mère dans l'heure qui suit sa naissance et il reconnaît les basses fréquences de sa voix qu'il a déjà perçues dans l'utérus. Or, il accroche au regard de sa mère, et il se met à téter. Il fait son boulot d'enfant. Il est déjà auteur, il est déjà acteur. Mais si la mère est malheureuse, si elle regarde la télévision pendant qu'elle donne le sein, le bébé décroche. C'est-à-dire qu'il tète de moins vite. Donc on voit que déjà l'investissement parental, à cause de l'histoire de la mère, modifie le milieu qui tutorise le développement de l'enfant. Et ça, c'est donc cette passivité, cette plasticité, va être très grande jusqu'à l'âge de la parole. Et quand la parole arrive, c'est-à-dire schématiquement troisième année, quand la parole arrive... Le langage bien installé, parce que les premiers mots, ça peut être vers un an et demi. Oui. Mais là, on parle de langage, de parole, de conversation même presque. Conversation 5-6 ans. Les premiers mots, vous avez raison, à 10 mois, les enfants reconnaissent 10 mots. Va chercher le bas blanc, le ballon, le papa, biberon. Papa, maman, eau. Voilà, c'est ça. Le chien, wawa. Caca. Oui, c'est ça, les mots importants de la vie d'un enfant. Quoi. Mais à 10 mois, c'est 10 mots, à peu près. À 20 mois, commence déjà le signifiant, c'est-à-dire la parole perçue, la parole sensorielle, commence déjà à désigner quelque chose qui s'éloigne dans l'espace. Et c'est 5 ou 6 ans seulement, le récit. Là, il faut avoir une représentation du temps, être capable de mettre des virgules, être capable de faire des conjonctions. Et là, la représentation du temps dépend de la maturation neurologique. Et si c'est seulement à 5 ou 6 ans qu'on peut... Alors là, on débarque dans le monde des récits. On est chrétien, on est musulman, etc. Étymologiquement, l'enfant, c'est l'infant, c'est celui qui n'a pas la parole. Donc, malgré tout, pour vous, le moment où advient la parole, qui plus est... dans sa dimension conversationnelle, malgré tout, l'enfant reste un enfant. Pour nous aussi, d'ailleurs, à 5-6 ans, un enfant qui a une conversation, qui fait un récit, reste un enfant. Malgré tout, selon la philosophie, on peut dire quand même qu'il y a déjà une sorte de sortie, ou en tout cas de modulation de cette enfance, qui n'est plus celle des premières années, et qui est quand même, avec le langage, une forme de maturation de cette enfance. Alors, je tiendrai peut-être un raisonnement différent, un raisonnement ontogénique, qui vient des raisonnements éthologiques. C'est-à-dire que dans l'utérus, à Toulon, on a été parmi, je crois, les tout premiers à montrer que quand la mère enceinte parle, les hautes fréquences de sa voix sont filtrées par son corps et surtout par le liquide amniotique. En revanche, les basses fréquences de sa voix sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique. Ce qui revient à dire que dans l'utérus, quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. C'est une information. La parole maternelle à ce stade du développement du bébé, c'est une information sensorielle, c'est une caresse, une stimulation. Et on voit que lorsque la mère parle, pendant les 4 ou 5 heures d'éveil du bébé, lorsqu'elle parle, le cœur du bébé s'accélère et il déglutit un liquide amniotique. Ce qui veut dire que quand la mère est stressée, elle sécrète les hormones du stress. Schématiquement, le cortisol et les catécholamines, l'adrénaline, il y en a beaucoup d'autres, mais ça c'est les deux vedettes hormones du stress. Ce qui veut dire que Anne-Laure Sutter à Bordeaux et son mari ont montré que quand la mère est stressée... Qui sont des médecins ? Ils sont médecins tous les deux. Elle est professeure de psychiatrie et lui est professeur de gynéco-obstétrique. Ils ont fait un couple parfait. Et vous avez appris la médecine avec lui ? Non, ils sont. Avec eux, en tout cas. J'arrive à l'âge où je les ai eus, comme j'en ai eu. Elle, je l'ai eu, je crois, dans mes séminaires. Ah donc, oui, d'accord. Donc c'est... J'arrive à l'âge où maintenant tous mes élèves deviennent partent à la retraite. Donc c'est l'inverse. Et donc qu'ont-ils montré, pardon ? Alors. Lui, elle a fait demander le dosage du cortisol dans le sang de la mère. Et lui, comme il est gynéco-obstétricien, il a dosé le cortisol et les catécholamines dans le liquide amniotique du bébé. Et ils ont rendu observable que quand la mère est stressée, quelle que soit la cause du stress, son mari, son histoire, la guerre, la précarité sociale... Le travail. Des mille causes hétérogènes différentes, elle est stressée. ça converge vers l'augmentation des hormones qui finissent par franchir la barrière du placenta, rentrent dans le liquide amniotique, le bébé déglutit ça et ça abîme certaines zones de son cerveau. Ce qui veut dire que quand la mère est stressée, elle provoque ça, le stress de la mère, le malheur de la mère. Je souligne, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère, provoque une altération cognitive du cerveau de l'enfant. Si j'arrête mon raisonnement là, vous allez être atterré. Donc je suis atterré, car je suis maman et j'ai donc eu 9 mois de grossesse avec des moments de stress inévitables. Alors je vais vite rajouter une phrase, c'est que le bouillonnement des neurones est tel à ce stade du développement du bébé que dès que la mère est sécurisée, le bébé retrouve la niche sensorielle qui lui permet de reprendre un bon développement en 24-48 heures, à condition de sécuriser la mère. Donc ça peut être son mari, son conjoint, ça peut être la société, ça peut être des tas de causes hétérogènes. L'attachement fait intégralement partie de la nature humaine, du berceau au tombeau. Cela peut être fondamental dans la petite enfance, comme ça l'est pour vous et moi aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et nous sommes in utero. Nous entendons justement les bruits que perçoit un fœtus dans le ventre de sa mère. Donc on a entendu de la musique, des voix, et là en fait on imagine les mouvements de son corps dans le liquide amniotique. Ça rejoint exactement ce que vous disiez, Boris Cyrulnik, à savoir cette manière dont le milieu va sculpter l'enfant dès l'utérus. Et juste avant, on a entendu une archive de John Bowlby, donc qui est un psychiatre et psychanalyste écossais, qui a formulé la théorie de l'attachement qui se produit dès l'utérus, dès l'enfance. Oui, il y a un barouf dans un monde du terrain. On parlait du monde du silence avant. Alors ça, c'est un barouf. Oui, c'est vrai. Oui, on imagine vraiment. En plus, que je vois pas, il doit être tout le temps dérangé, ce pauvre fœtus. Non, parce que il a un tissu conjonctif dans les oreilles. C'est comme s'il avait des bouchons dans les oreilles. Et il entend un peu comme les mammifères marins. On a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. Donc, un mammifère marin entend très bien. Comme nous, avec un diapason, on donne un petit coup sur le diapason, on le met à 1 mètre de nous, on n'entend rien. On met le diapason sur le front, on entend très bien, parce que l'os transmet la vibration jusqu'à l'oreille interne et on entend très bien. Et c'est comme ça qu'entendent les bébés, comme une caresse. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, parce que c'est les premiers corpuscules tactiles qui arrivent à maturité, dans l'utérus. Donc c'est une caresse. Et le bébé, dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé reconnaît la voix de sa mère, son premier lien. Et du père ? Après. Je suis désolé, les gars. Oui. Mais c'est un peu après. Dans la commission des 1000 premiers jours, on a eu beaucoup de documents. Qu'est-ce que c'est la commission des 1000 premiers jours ? Maintenant, on est capable de défendre que les 1000 premiers jours donne la tendance. C'est pas irrémédiable, c'est pas inexorable, mais c'est une tendance, c'est une direction. Alors la tendance de quoi ? De un bon développement cérébral, un bien-être psychique ? Parce que quand on entend la voix de John Bowlby parler de l'attachement, on a l'impression qu'il s'agit plus d'une notion non pas neurobiologique, neuropsychiatrique, mais plutôt d'une notion de bien-être, je dirais pas de développement personnel parce que ça a tout de suite une dimension très péjorative, mais du moins une dimension psychologique plus que neurologique. Alors non, je dirais pas ça. Je pense que au contraire, Bowlby était très préoccupé d'éthologie, comme le raisonnement que j'ai proposé sur ce qu'on a rendu observable, comment la voix de la mère vient caresser son bébé. Ça, c'est issu des observations éthologiques, animales et humaines. Et ensuite, il y a une partie neurologique que Bowlby défend très bien. Le cerveau est sculpté par le milieu, on l'a répété plusieurs fois déjà ce matin. Et une fois que le cerveau est sculpté, il perçoit un type de monde. Et là, on voit qu'un enfant bien sécurisé perçoit un monde sécurisant. Et si la mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et on se rend compte qu'ensuite, quand le bébé arrive à la maîtrise, devient sujet de sa parole, alors à ce moment-là, il pose des questions, on lui répond, et il quitte l'univers de la biologie pour rentrer dans l'univers des représentations verbales qui désignent des choses absolument impossibles à percevoir et pourtant intensément ressenties. Et la neuro-imagerie aujourd'hui photographie, dose, mesure, comment un récit peut modifier le fonctionnement cérébral. Donc le raisonnement que je viens de vous proposer, c'est un raisonnement écosystémique. C'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique. C'est votre manière d'approcher l'enfance, Boris Cyrulnik, qui est effectivement interdisciplinaire, on pourrait dire. Et vous procédez toujours comme ça, à savoir, vous entrecroisez des savoirs plutôt que de vous contenter, on pourrait dire, d'une explication. Voilà, c'est exactement ça. Alors, la recherche scientifique, qui est tout à fait passionnante, hein, fait une démarche réductionniste. Il faut faire un objet de laboratoire. Donc, je fais une hypothèse, puis je vois ma méthode, si elle est capable de valider ou d'invalider cette hypothèse. Puis je fais une autre hypothèse, et c'est la réduction qui permet de faire une manipulation. Mais nous, praticiens de la médecine, de la psychologie, ou vous, praticienne de la maternité, oui. Ben oui, vous êtes une... De fait, nous praticiens, on peut pas être réductionniste. On est obligé. Quand quelqu'un s'assoit près de moi, il s'assoit avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, son amour de la musique, de la littérature. Et moi, praticien, je suis obligé de rassembler des données hétérogènes. Alors que dans un laboratoire, on fait un objet de science qui est réduit, et qu'on manipule. Donc c'est deux recueils d'informations assez différents qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les gens dans les laboratoires ont fait des performances magnifiques avec l'ADN. Ils ont décrit, ils ont été nobélisés plusieurs fois, ils le méritent. Mais nous, praticiens, on se rend compte que l'objet de laboratoire ne vit pas toujours sur notre terrain. On a un autre recueil d'informations. Et je cite souvent l'exemple de la lobotomie qui a été nobélisée. Il y a eu un prix Nobel pour Egas Moniz, il y a eu un prix Nobel pour avoir inventé ce crime. Or, j'ai chez moi des comptes rendus de congrès où les gens ne parlent que de techniques. Il faut passer par l'œil, ah non, il faut faire un volet frontal, il faut mettre de l'eau, ah non, il faut couper au bistouri. Oui, le corps est complètement réifié et l'esprit aussi. Et la personne n'existe pas. Ce qui existe, c'est la voie d'accès au lobe préfrontal. Techniquement, c'est impeccable. Humainement, c'est insupportable, c'est un crime. Eh bien, ce sont des non-spécialistes qui ont dénoncé le crime parce que les spécialistes étaient tellement prisonniers de leur objet technique qu'ils se rendaient plus compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient soumis à une représentation d'un objet. Cette personne qui est là, c'est pas une personne, c'est un lobe préfrontal que je dois couper. Malgré tout, vous tentez bien quand même d'approcher je pourrais pas dire un objet, mais un type de personne qui est l'enfant, donc de 0 à 120 ans, comme vous disiez, Boris Cyrulnik. Il faut bien quand même avoir une méthode pour l'approcher. Et quand vous parlez de la commission des 1000 jours, que vous allez percevoir en fait des orientations, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous êtes prudent sur le terme d'orientation, que ces orientations-là sont certaines formes de direction, mais ça n'est pas irréversible non plus. Donc la prudence, vous êtes quand même bien obligé de faire appel à une méthode qui soit quand même tangible, démontrable, enfin comme une méthode scientifique. Tout à fait. Mais la recherche clinique essaye de ne pas dire n'importe quoi. On a simplement, l'objet n'est pas manipulé aussi clairement que dans un laboratoire. Il n'est pas aussi réduit que dans un laboratoire, mais il n'est pas exclusif. C'est-à-dire que nous, on est un trésor à hypothèses. Et les scientifiques viennent souvent puiser dans nos hypothèses. Et eux, ils valident ou invalident. Et puis, ils produisent des faits scientifiques. Mais le fait scientifique, il est fait par le scientifique, y compris par sa méthode, mais même parfois par sa personnalité, qui choisit un objet de science. Et nous, sur le terrain, en retour, on valide ou on invalide l'objet de science. Par exemple, ce sont des médecins, les médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas spécialistes, et ce sont eux qui ont dénoncé le crime de lobotomie. Parce que, alors qu'ils n'étaient pas spécialistes, mais ils voyaient les résultats, ils ont invalidé une méthode que les gens de laboratoire ne voyaient pas comme un crime. Donc il y a un raisonnement écosystémique, il y a un aller-retour entre le terrain et le laboratoire qui est nécessaire. Alors qu'avez-vous observé à travers cette commission des 1000 jours? Moi ça me fascine cette idée des 1000 jours. On dirait, comme vous savez, comme pour les mandats politiques, les 100 jours, pour faire un peu ses preuves, donner la feuille de route. Alors, qu'est-ce qui se produit pendant ces 1000 jours et quelles orientations on peut dégager à travers l'observation d'un enfant? Et autre question, je la dis maintenant, ce que j'ai peur de l'oublier, c'est comment justement on fait pour observer un enfant? Est-ce qu'il y a une manière d'observer un enfant qui serait différente de la manière dont on observe un malade, un adulte, enfin d'autres types de personnes? Et puis surtout, est-ce qu'un enfant n'est pas tout le temps différent aussi? Alors, un enfant, c'est une évolution rapide. On évolue toute notre vie, tout le temps. On a un sentiment curieux d'identité alors qu'on passe son temps à changer. Et autour de nous, tout change tout le temps, en nous et autour de nous. Et pourtant, on a un curieux sentiment d'identité, ce qui prouve d'ailleurs que la notion d'identité est une illusion. Mais enfin, alors un enfant, il est constamment, d'abord, il est cellule. On connaît les cellules. D'abord, il y a le stade morula, petite mûre, puis ensuite, on voit ça se divise, et puis arrive au stade embryon, puis on arrive au stade fœtus, où là, la communication avec les émotions maternelles et avec les bruits, comme vous l'avez illustré tout à l'heure avec ce très joli document, l'enfant commence à traiter des informations. Donc, il les organise. C'est plus une information et une réponse. C'est déjà l'enfant, il devient pas auteur, il n'est pas encore auteur du monde, mais déjà il organise ce qu'il perçoit. Et puis il faut tout le temps changer. On voit les stades de maturation, les stades d'évolution qui sont déjà soumis et on a des repères statistiques. Et c'est les cliniciens apprennent ça. Donc on voit mais l'évolution d'un enfant n'est pas linéaire. Elle est comme une marche d'escalier, c'est-à-dire que une rencontre et hop, l'enfant peut reprendre un bon développement. Une autre rencontre et l'enfant peut arrêter son développement. Ce qui est terrible dans ce que vous dites, Boris Cyrulnik, qu'il s'agisse de la mère qui est enceinte, donc avant d'accoucher, ou de l'enfant, donc dans ses 1000 premiers jours, c'est qu'on a un sentiment de déterminisme, de fatalité, même si effectivement il y a une rencontre qui peut tout changer, même si au bout de 2 heures où la maman se sent sécurisée, l'enfant retrouve des capacités optimales. Il y a quand même une forme de déterminisme effrayant. Et si en fait la mère n'était jamais sécurisée? Et si en fait l'enfant ne faisait jamais la bonne rencontre? Et si en fait les conditions n'étaient jamais réunies? Alors qu'est-ce qui se produit? Est-ce que cet être est voué en fait à être amoindri, affaibli, à avoir un mauvais développement? Il y a aussi du coup une forme de dimension, j'ose le mot, culpabilisante. Alors moi je dirais le contraire. C'est que si une jeune mère est enceinte de plus en plus âgée, on est obligé maintenant de médicaliser la première grossesse. Le diabète, elle n'est pas responsable de son diabète. La culture en est bien plus responsable qu'elle. L'hypertension, la culture aussi, est très responsable. Oui, c'est-à-dire que cet état de stress que vous décriviez, Boris Cyrulnik, il est un petit peu typique, c'est un petit peu le mal du siècle quand même. Voilà, exactement. C'est le mal du siècle occidental où on fait sprinter les hommes et les femmes. Et on fait sprinter aussi les femmes enceintes. Donc c'est le malheur de la mère qui sculpte l'enfant, c'est pas la mère. Et même raisonnement. Lorsqu'on isole un bébé après sa naissance, comme ça a été fait par les accidents de la vie, on a une illustration tragique avec Ceausescu qui a isolé à peu près 200 000 enfants pour que les mères puissent travailler plus 14 heures par jour. Mais il n'y avait pas de substitut maternel, donc les enfants étaient mis dans des orphelinats, mais le mot orphelinat était abusif, c'était des mouroirs. On a les résultats. Cliniquement, ces enfants étaient altérés. Beaucoup d'enfants n'avaient pas accès au langage. Comme il n'y avait pas d'altérité, ils n'avaient que des activités auto-centrées, de balancement, d'auto-agression. Autistique. pseudo-autistique, absolument. Et donc, à ce moment-là, la mère, elle est responsable de quoi? De rien. Simplement, c'est des raisonnements concentriques. Comme on le dit depuis tout à l'heure, il faut renoncer aux causalités. Une cause provoque un effet. C'est des raisonnements écosystémiques, constamment. Et là, on a un degré de liberté, donc de responsabilité. Mais c'est pas la mère, c'est la famille et la culture qui ont un degré de responsabilité. J'entends bien ce que vous dites, Boris Cyrulnik, mais vous entendez bien aussi, j'imagine quand même, que vos propos peuvent s'inscrire dans un discours général de il faut pouvoir être enceinte mais alors pas trop stressée, il faut travailler mais en même temps il faut pas être trop stressée, il faut pouvoir bien nourrir son enfant mais faut pas le faire dans la panique, il faut proposer des choses à son enfant, on n'a pas le temps, on fait comme on peut. Il y a la question aussi des écrans qui se rajoutent à ça quand les enfants naissent, après quand ils sont un peu plus grands. Donc vous voyez, il y a aussi un nombre d'injonctions qui en fait deviennent très oppressantes, qu'il s'agisse des mères, pour les mères, pour les pères et pour les enfants eux-mêmes. Alors vous avez tragiquement raison, mais on va reprendre le raisonnement contraire à celui que vous proposez. Il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, où on disait un enfant de bonne qualité, un bon cerveau se développe bien quel que soit le milieu. Vous savez à quoi fait référence ce genre de raisonnement. Il y aurait parmi nous des gens de meilleure qualité biologique que d'autres, ça donne naissance au racisme. À l'eugénisme, et ça a été le raisonnement nazi, entre autres, parce que d'autres cultures. Donc là, le milieu n'a rien à faire. S'il est de bonne qualité, il va bien se développer, et s'il se développe mal, c'est la preuve qu'il était de mauvaise qualité. Donc il faut moralement l'éliminer. On a les chaires d'hygiène raciale qui ont été mises au point. Alors nous, on tient le raisonnement contraire. Et là, on a un degré de... Ce que vous dites est vrai, mais on a un degré, on a une possibilité. On peut être maître de son évolution. On peut être maître. On peut dire, madame, écoute, monsieur, je suis votre mari, mais pendant que tu es enceinte, je vais être près de toi. Et dans la commission des 1000 premiers jours, on a souligné l'importance du père beaucoup plus précoce que ce que la psychanalyse nous avait dit. C'est-à-dire que le père doit être le père ou le conjoint ou la personne sécurisante doit être à une fonction sécurisante beaucoup très tôt pendant la grossesse. Et le père peut aussi jouer un rôle d'affectivité dès les premiers stades du développement. Donc on a un degré de liberté, alors que quand on disait s'il se développe bien, c'est qu'il est de bonne qualité, les raisonnements racistes, dans ce cas-là, nous, on n'a aucune culpabilité, aucune responsabilité. C'est la génétique qui va tout dire. Et ce mode de raisonnement, qui est le contraire de celui que vous avez proposé, est un raisonnement tragique. Donc il vaut mieux avoir mon raisonnement... En fait, il vaut mieux avoir votre raisonnement tragique, mais le mien même un peu culpabilisant. C'est-à-dire, mieux vaut être culpabilisé que de tout faire reposer sur un autre que moi, par exemple, c'est ça? Mais moi, j'emploierai pas le mot culpabilité. J'emploie le mot, on prend conscience de ce qui permet à une femme enceinte ou à une jeune mère d'être le mieux possible. Donc, on peut décider, nous, ce qui peut faire qu'elle est le mieux possible. Alors que quand on a un raisonnement raciste, on est soumis à un déterminisme inexorable qui est une biologie imaginaire. Ça n'existe pas. Au contraire, les biologistes nous démontrent bien que même le chromosome, les bandelettes ADN s'expriment de manière très différente selon le milieu. Donc c'est les biologistes réels démontrent la plasticité même des chromosomes. Et alors que le raisonnement raciste dit s'il a un bon chromosome, il va bien se développer. S'il se développe mal, c'est qu'il avait un mauvais chromosome. Donc ça légitime moralement l'élimination de ceux qui ont un mauvais chromosome. Ça a été fait. Donc, je pense que j'emploierai absolument pas le mot culpabilité, mais j'emploierai le mot responsabilité, c'est-à-dire qu'on a un degré de liberté, donc de responsabilité. Pourquoi tu fais pas de grec? Je faisais latin moderne. Où ça? Au lycée, à Marseille. T'es marseillais? T'as pas l'accent? Je suis pas née à Marseille. Où t'es née? Si je te disais, tu serais pas où c'est. C'est dur, le grec? Attends, moi, une fois que t'as pigé l'alphabet. Tes parents sont à Marseille? Mon père est prisonnier. Il s'est pas émêlé. Et ta mère? Elle est où, ta mère? Tu veux pas me dire où elle est, ta mère? Elle est en zone libre. Y a plus de zone libre. Je sais, fous-moi la paix, je te demande rien, moi. Je sais pas où elle est. Elle m'a pas écrit depuis 3 mois. Là, t'es content? Boris Cyrulnik, on vient d'entendre un extrait du film Au revoir les enfants, film de Louis Malle de 1987. Vous avez correspondu avec Louis Malle quand il a réalisé ce film. C'est une bonne manière aussi de passer par le cinéma pour vous poser cette question. En quoi la fiction, le récit, permet aussi en fait de faire des choix libres, de prendre ses responsabilités et de traiter cette question de l'enfance? C'est la fonction de l'art, c'est de prendre un peu de distance de façon à mieux maîtriser l'émotion pour mieux poser le problème. Parce que dans la proximité affective, les mots ont un pouvoir beaucoup trop stressant et on perd un peu la maîtrise de la situation. Alors que si on arrive à mettre à distance le problème sous forme de film, de théâtre, de roman, de philosophie, on peut aborder le problème. Et on voit que on ose, la fonction du théâtre dans la Grèce ancienne, c'était ça, c'était de mettre sur scène les problèmes de la cité. Et les citoyens ont bouclé les portes du théâtre et les citoyens devaient débattre ensuite de ce que les comédiens avaient joué sur scène. Or actuellement, quand on va au cinéma, qu'est-ce qu'on fait après? On va au restaurant. Et qu'est-ce qu'on fait au restaurant? Enfin, ce qu'on faisait il y a un an. Oui, c'est ce qu'on faisait il y a un an, mais c'est ce qu'on va refaire bientôt, j'espère. Et qu'est-ce qu'on fait au restaurant? Eh ben, on débat du film. Et on n'est jamais d'accord, bien sûr, mais on argumente. Je n'ai pas la force de te dire ce qui m'est arrivé, parce que tu es ma fille, et si je te dis ce qui m'est arrivé, je vais t'angoisser, et j'y arrive pas. C'est émotionnellement trop dur pour moi, et j'ai peur de te faire du mal. Mais je vais te dire, va voir ce film, va lire ce livre. Qui sont autant d'indices, d'indications sur ce que j'ai à dire. Voilà, exactement. Et le comédien va être mon porte-parole. C'est lui, elle, qui va dire ce que j'ai pas la force de dire. Et ce détour par le tiers, de la fabrication artistique ou philosophique, je considère que les philosophes sont des artistes. C'est-à-dire que ce détour par le tiers va nous donner une maîtrise émotionnelle et là on pourra parler. Et bien sûr, toi ma fille, tu vas vite comprendre de qui on parle. Alors je ne suis pas votre fille, Boris Cyrulnik, je le précise quand même, mais en tout cas ce film est vraiment intéressant, Au revoir les enfants de Louis Malle. Donc je disais, vous avez correspondu avec Louis Malle et il faut quand même dire justement pour cette part de fiction et d'autobiographie qu'il y a en fait dans vos ouvrages, Boris Cyrulnik, il faut le dire, vous-même vous avez eu une enfance particulière que vous avez racontée dans vos ouvrages et ce film de Louis Malle lui-même en fait, il est passé par cette fiction-là pour raconter sa propre histoire. Donc il y a vraiment en fait ce passage de la fiction est une manière de mettre à distance les choses, mais aussi en fait de les ressaisir d'une autre manière, c'est-à-dire moins frontalement, mais de manière tout aussi intense. Alors, c'est pas vraiment autobiographique, c'est-à-dire que c'est un problème qui touche tout le monde, même les scientifiques. Le choix de l'objet de science est un aveu autobiographique. Un scientifique ne choisit pas n'importe quelle discipline objectivement. Ça parle de lui. La discipline qu'il choisit parle de lui. Vous êtes philosophe, ça parle de vous. Ça dit votre manière de vous intéresser au monde. Alors que si vous pourriez vous intéresser aux machines, mais ça serait intéressant aussi, mais ça serait pas le même choix. Donc je pense que quand effectivement, j'ai un peu correspondu avec Louis Malle au moment où il mettait en scène quelque chose de sa vie et de ma vie. C'est-à-dire que pendant la guerre, j'ai pas écrit une autobiographie, j'ai écrit un souvenir qui m'a été un peu infligé pendant la guerre, où j'ai été emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. J'ai bien compris qu'on voulait me tuer, puisque c'était clairement dit. Donc, parce que ma famille n'était déjà plus là, donc j'ai clairement compris. 6 ans et demi, c'est l'âge où on arrive à la représentation de la mort. Avant, on ne comprend pas. Au récit et à la représentation de la mort. Voilà, ben oui, puisque c'est une représentation du temps. Donc, à ce moment-là, on peut arriver au récit et à la représentation de la mort. Donc, j'ai très bien compris qu'on voulait me tuer. Et Louis Malle raconte un souvenir de son enfance où, dans son collège, dominicain, est arrivé un enfant curieux qui, parlait bien, qui était bon élève, excellent pianiste, mais qui avait une manière d'être curieuse puisqu'il ne pouvait pas tout dire. Et son silence désignait le lieu du mystère, désignait le fait de ne pas parler de quelque chose, oriente la conscience de ce petit garçon, Louis Malle. Qu'est-ce que c'est que ce garçon que j'aime bien jouer avec lui. Il est excellent musicien et pourtant il y a un mystère. Quand ma mère nous invite au restaurant, il bafouille quand il raconte les origines de sa famille. Alors que ce mystère, ce mal dit, oriente vers le mystère. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et donc les quelques échanges qu'on a eus ont permis de mettre une fiction, mais cette fiction désignait un vrai problème. Est-ce que cette fiction vous a permis de désigner le problème et aussi de le dépasser? Parce qu'en fait, dès l'enfance vont se nouer, alors je dirais pas des traumas, peut-être parce que c'est trop marqué ou trop psychanalytique, mais on va dire en tout cas, vont se nouer des nœuds. Voilà, je vais être tautologique, qui vont marquer l'individu qui va grandir, rester un enfant, mais quand même grandir. Est-ce que la fiction permet à la fois de nommer, mais aussi de dépasser? Alors ça peut être la fiction, mais ça peut être aussi, vous avez beaucoup parlé des héros, donc des représentations marquantes. On pourrait penser aussi tout simplement en fait aux sciences humaines, à la lecture, à quoi que ce soit, en fait, à n'importe quelle activité qui permettrait à la fois de nommer et de dépasser un problème. Et là, vous me voyez venir, Boris Cyrulnik, je vais vous parler de la résilience. Alors, ça ne m'ennuie pas que vous m'invitiez à parler de la résilience. Qui n'est pas sans rapport avec la question de l'enfance. Mais bien sûr. Je pense que dès l'instant où l'enfance thématise notre vie, c'est-à-dire que certains enfants partent dans une direction, mon père est alcoolique, je veux réparer un homme. Je suis pauvre, je veux compenser ma pauvreté par une richesse d'argent ou par une richesse intellectuelle ou par une richesse d'existence. Mais ça thématise notre vie. Or, dès l'instant où on devient capable d'en faire un récit, on ajoute à la mémoire des faits la mémoire verbale de la représentation du fait. Ce qu'on a dit s'ajoute au fait. Et donc ça modifie non pas le fait. Le fait, il est fait, on l'a reçu. La mort de mes parents, je l'ai reçue dans mon histoire de vie. Donc ça, je ne vais pas le changer. Mais la représentation de ce qui m'est arrivé, je vais la changer par la mémoire du récit que j'en ai fait. L'élaboration, Rabelais parlait de élaboration, c'est-à-dire c'est labourer sur le terrain, je modifie la représentation que je me fais de ce qui m'est arrivé. Or, le syndrome psychotraumatique, la mémoire traumatique, est ainsi faite qu'elle ne modifie pas. On est prisonnier du passé, on voit toujours la même agression, la même image, la même réaction. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi personne ne m'a aidé? Et toc, toc, toc, c'est la répétition névrotique qui fait qu'on est de plus en plus mal. Dès l'instant où on peut faire une élaboration, on ajoute la mémoire de ce qu'on a dit, de ce qu'on a travaillé, à la mémoire de ce qui est arrivé. Donc on peut s'en libérer, pas complètement, mais on peut faire quelque chose de la blessure qu'on a reçue. Ça, c'est ça la résilience. Et c'est ça la résilience. Est-ce que tout enfant doit être résilient? Non, parce que la résilience implique qu'il y a une déchirure. Alors, il peut y avoir une déchirure flagrante, le Bataclan, la guerre. Un deuil. Mais la plupart du temps, les déchirures sont insidieuses. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on en prend mal conscience. Et on les laisse, par exemple, les insultes à un enfant. C'est pas grave, ce sont des mots. Eh ben, si, c'est grave. Parce que dans la représentation de soi, on voit que l'enfant incorpore dans sa mémoire, je suis un idiot, je comprends rien, je pense à une dame, un enfant que j'ai dû accompagner, sa mère ne l'appelait que tête de lard ou fils d'idiot. C'était plutôt une manière de parler du père, en fait, finalement. Et voilà, exactement. C'est ce qu'elle faisait. Elle parlait du père comme ça. Et l'enfant incorporait dans sa mémoire, je suis une tête de lard, je suis un fils d'idiot. Et cette représentation-là s'inscrivait dans la mémoire de l'enfant. Dans les techniques de John Bowlby, on appelle ça le modèle interne opératoire. Bon, c'est un mot compliqué pour dire des choses simples, mais c'est-à-dire que l'enfant s'identifie à l'idée qu'on a plantée dans sa mémoire, tuer un fils d'idiot. Cette idée de résilience mais qui rejoint aussi en fait cette idée quand même qu'on a de par rapport à ce qu'on disait sur un enfant dans l'utérus, par rapport au rôle que joue la mère ou le milieu, cette idée aussi, en fait on revient à cette idée temporelle de rien n'est irréversible. C'est-à-dire qu'une douleur, un traumatisme, peut-être non pas dépassé, mais du moins, en fait, on va pouvoir y revenir dessus pour le travailler. Mais est-ce qu'en fait, on arrive très bien à identifier tout type de déchirure? Comme vous disiez, ce qui est une déchirure pour l'un n'est peut-être pas une déchirure pour quelqu'un d'autre. Alors, comment on fait pour repérer ça? Et de la même manière, sur quoi on peut miser par rapport à cette résilience, c'est-à-dire que en fait, il y a plein d'individus qui ne sont pas capables en fait d'être résilients ou n'ont pas envie d'être résilients. On n'arrive même pas à identifier qu'il y a une déchirure. Vous voyez, la résilience est devenue, peut-être malgré vous, à qui l'on doit ce terme, en tout cas répandu en France, est devenue en tout cas une sorte de totem, d'injonction à aller mieux, à transformer forcément un échec en réussite. Ce qui est un contresens. C'est bien de le dire, rétablissez la vérité. Alors, c'est un contresens, puisque nous, ce que montre la neurologie, ce que montre l'évolution, c'est qu'un être seul, un être humain seul, ne peut pas devenir humain. Pour qu'un bébé devienne humain, il faut qu'il y ait une altérité. La première altérité, c'est le corps de sa mère. Et très tôt, et beaucoup plus tôt que ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, la présence d'une autre figure d'attachement, proche et différencié, près de la mère, beaucoup plus tôt qu'on appelle le père, même si le mot père désigne des statuts masculins ou féminins, étonnamment différents selon les cultures. Dans notre culture occidentale, on arrange pour se faire croire que le père, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez cette élégante métaphore. C'est-à-dire que le père, c'est l'amant. Il y a beaucoup de cultures qui pensent que l'amant n'est pas le père. L'amant, c'est l'amant, et le père, c'est celui que la culture a désigné, l'homme, que la culture a désigné pour s'attacher à l'enfant, l'éduquer et en être responsable. Beaucoup de cultures africaines pensent comme ça, et nous, on appellerait ça l'oncle, le frère de la mère. Beaucoup de cultures africaines l'appellent le père. Or, dans notre propre société occidentale, le mot père a désigné des statuts masculins étonnamment différents. Entre monseigneur, qui s'est condensé à donner monsieur. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui appellent leur mari monseigneur maintenant. Aucune, je crois. ça devient assez rare maintenant. S'est perdu. Même monsieur, ça devient assez rare. Parce qu'il y a une proximité affective de plus en plus grande, ce qui améliore la fonction des couples quand ça marche bien, ce qui fait une niche sensorielle où l'enfant se développe facilement. Et il acquiert un attachement confiant, un attachement sécure, qui le prépare à la parole, qui le prépare à la relation. Donc c'est encore là, une fois, un raisonnement écosystémique. Alors ça veut dire aussi que le déterminisme, il est plus dans l'enfant, il est dans les récits sociaux, culturels, qui désignent le père et sa fonction, parce que le père, dans le monde animal, il n'existe pas. Il y a des mâles qui, parfois, rarement, s'occupent des petits avec la femelle, mais le père, c'est une création de la condition humaine, mais qui est différente, donc, selon les cultures. En ce moment, nous sommes en pleine crise du Covid. Vous préférez le terme catastrophe à celui de crise du Covid. Comment vous arrivez à transposer vos réflexions sur l'enfance à ce qui se produit actuellement pour tous les êtres humains sur Terre? Oui, alors si on reprend le raisonnement évolutif auquel vous m'avez invité depuis tout à l'heure, je pense qu'un bébé dépend du bien-être de sa mère, comme on l'a dit plusieurs fois ce matin. Si la mère, en plein Covid, si la mère est sécurisée, elle sera sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Or, si les enfants préverbaux ou les petits-enfants avant l'âge du récit se développent dans un monde où la mère est sécurisée, même s'ils ont un peu de retard, ça n'a aucune gravité. Le bouillonnement neuronal est tel que ce retard, ils vont le compenser en quelques semaines. retard scolaire, retard de langage, ils vont rattraper ça en quelques semaines. C'est pas le cas du tout des adolescents. Eux, sur le plan neurologique, à l'adolescence, il y a un élagage synaptique, ça veut dire que le cerveau réduit son fonctionnement et que cette réduction est la preuve d'une efficacité énergétique. Il a moins besoin de neurones pour résoudre les problèmes. Donc il s'adapte mieux à l'environnement et il résout beaucoup plus vite les problèmes. Ça veut dire qu'un adolescent, il a quelques années pour s'adapter à son milieu. Et là, il vient de perdre un an. Le virus vient de lui faire perdre un an. Or, les filles ont une avance de développement sur les garçons. C'est-à-dire qu'à 12 ans, les filles ont à peu près 2 ans d'avance de maturation neuropsychologique. Quand on voit les résultats scolaires entre un enfant né en janvier et un enfant né en décembre, ils sont tous les deux dans la même classe scolaire, et on voit les différences de résultats scolaires, c'est assez impressionnant. Là, les filles ont 2 ans d'avance. L'explication de ces deux... Imaginez si elle est née en début d'année. Alors voilà. Alors, l'explication, là, il y a plein d'hypothèses. Alors, il y a une hypothèse, c'est XX est plus stable que XY. Bon, je dis ce que j'ai lu, je suis pas généticien. Hein. Alors, il y a des généticiennes qui disent que le Y des mâles est une chiffre molle. Vous leur laissez leur propos. Voilà. Mais c'est pas, il y a une part de vérité. Si une altération est portée par un X et pas par l'autre X d'une petite fille, la tare ne s'exprime pas. Si une altération est portée par un Y, ce qui n'est pas rare, la tare s'exprime. Et c'est peut-être ce qui explique que le développement d'un petit garçon est plus difficile que le développement d'une petite fille. Dans les consultations de pédopsychiatrie, il y a une énorme majorité de petits garçons. Et ces garçons, alors au moment du bac, au moment de l'adolescence, les filles sont des jeunes femmes. Elles sont en place, elles ont terminé la fatigue de croissance, elles sont capables de programmer, j'aime ça, j'aime pas ça, je veux ça. Elles sont capables de programmer une activité, elles sont maîtres, elles deviennent maîtresses de leur destin. Pas totalement, mais elles commencent à se gouverner. Ce qui n'est pas le cas d'un petit garçon, d'un adolescent. Un adolescent est en pleine fatigue de croissance. C'est-à-dire puisqu'ils ont une puberté retardée. Et les substances de notre civilisation, les leurs endocriniens, aggravent cette différence, où il y a de plus en plus de petites filles maintenant qui sont réglées vers 8 ans, avant 10 ans, et de petits garçons qui probablement ont une puberté retardée. Donc ça veut dire que les garçons, pour des raisons de civilisation, ont un retard de maturation sur les filles, retard qu'ils compenseront au moment où les deux cerveaux sont adultes, c'est-à-dire 25 ans, à la fin des études. Donc ça va poser un problème anthropologique passionnant pour la génération des enfants, de vos enfants. Arcas, etc. Et pourtant ma nature est bonne. Mais le moyen de résister, alors que Vénus la frépone, se comprétend vous tourmenter. Boris Cyrulnik, nous sommes en train d'écouter L'air d'Hélène dans La Belle Hélène, l'opéra d'Offenbach de 1864, interprété ici par Janine Linda. Vous avez choisi cette chanson pour cette fin d'émission qui n'est pas tout à fait terminée. Pourquoi ? Parce que ça correspond à un moment très heureux de ma biographie, où j'avais enfin un métier qui m'intéressait. J'étais interne, je faisais de la psychiatrie, j'avais une femme, 2 enfants, ça a été un moment très heureux. Et quand on passait ça, mes enfants chantaient ça et l'interpréter avec leurs mots, qui ne comprenaient pas cascader la vertu, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, mais ils chantaient quand même. Et quand j'entends ça, ça réveille le bonheur. Ça vous replonge dans ces souvenirs. Voilà. Alors on va aussi vous replonger dans d'autres souvenirs puisque c'est le moment de vos trois livres de chevet, donc qui clôt, c'est un moment qui clôt cette émission, vos trois livres de chevet, Boris Cyrulnik. On pourra donc après les mettre en ligne sur le site. Quel livre avez-vous choisi? Alors, j'avais choisi Jules Vallès. L'insurgé. Le bachelier l'insurgé, parce que ça correspondait au problème de mon enfance. Jules Vallès raconte une enfance difficile, dont il se sort par les études, par l'écriture. Le bachelier, il avait été au concours général, il a eu aucun prix, comme moi, hein, mais c'était des moments importants d'une biographie, dans la représentation que je me faisais de moi. Je suis donc pas aussi minable qu'on a cherché à me le faire croire. Et puis ensuite, l'insurgé, c'est qu'il faut absolument modifier la culture si on veut vivre un peu mieux. Alors vous nous avez aussi cité Jack London, Cro-Blanc. Alors, à l'âge de 12 ans, j'étais dans une institution où on n'avait pas le droit de lire, vous avez bien entendu. On n'avait pas le droit de lire. Ce qui est tout le contraire aujourd'hui, on espère qu'une chose, que nos enfants lisent beaucoup. On n'avait pas le droit de lire. On lisait quand même, mais on lisait en transgressant, c'est-à-dire qu'on rabattait le drap sur la tête. On avait trouvé des lampes, des petites lampes, et on lisait sous les draps, malgré les moniteurs. Et Cro-Blanc, j'avais lu ça avec des paillettes dans l'esprit parce que ça correspondait à ce dont j'avais besoin. Un chien et un homme s'entraident, chacun est persécuté par le monde méchant, mais ils s'entraident, ils affrontent le monde méchant. Et l'autre, il n'y a pas longtemps, je cherchais une illustration pour une idée, je me dis, je vais trouver cette illustration dans Cro-Blanc, et j'ai repris le livre et j'ai été atterré d'avoir été ébloui par ce livre. Mais pourquoi? Parce qu'il était, il faisait dater, c'était pas bien écrit? Parce qu'en fait, vous aviez reconstruit quelque chose, comme quoi les souvenirs parfois nous trahissent un peu ou sont vraiment des reconstructions? Alors, parce que c'était, quand j'ai lu Cro-Blanc, j'avais plus besoin de ces paillettes-là, de penser qu'il y avait une solidarité pour se opposer aux méchants, à la méchanceté du monde. Et j'ai trouvé un Cro-Blanc avec toujours une histoire stéréotypée, la même. Au cours du même livre. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de Cro-Blanc, alors qu'il avait enchanté mon enfance quand j'avais 12 ans. Et votre dernier livre, Boris Cyrulnik, c'est Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, un très grand livre de philosophie. Alors, je ne sais pas si c'est un livre de philosophie, parce que quand je... Moi, elle-même ne le disait pas qu'elle était philosophe, vous avez raison. Alors, moi, je suis pas très doué pour la philosophie, mais je lis Hannah Arendt avec passion. C'est que elle met en scène tous les problèmes qui m'ont été posés par mon existence, comme elle est, je me sens très proche d'elle. C'est-à-dire que elle aimait pas l'université. Elle trouvait que c'était très formaté. Elle trouvait qu'elle est devenue professeure aux États-Unis, mais le mot professeur aux États-Unis ne désigne pas la même chose que le mot professeur en France. Donc elle avait pas beaucoup de publications de carrière, mais elle avait beaucoup de publications de réflexion. Et elle était journaliste. Elle se présentait elle-même d'ailleurs comme une journaliste. Et les problèmes qu'elle posait sont les problèmes que je me pose. C'est pour ça que je fréquente avec plaisir Hannah Arendt. Merci beaucoup Boris Cyrulnik. Donc ce sont vos trois livres de chevet, on les mettra sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie et surtout un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce cours particulier sur l'enfance. Alors je rappelle que votre dernier livre est disponible aux éditions Odile Jacob, Des âmes et des saisons, psycho-écologie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier, Manon Delasselle, Laure Blanqui, Anaïs Isbert et Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson. Lundi, grande nouvelle, vous retrouverez Adèle Vendrette pour une nouvelle semaine des Chemins de la Philosophie. Et la semaine prochaine, autre grande nouvelle, ce sera sur Jean-Pierre Bacri. On connaît la chanson ou la mélodie du mal-être, le goût des autres ou le dégoût des autres, on le verra. Smoking, no smoking, choisir, est-ce regretter? Ou encore un air de famille avec le réalisateur du film, Cédric Clapiche. Et lundi 8 mars et toute la semaine prochaine, j'en profite pour l'annoncer, vous pourrez découvrir plusieurs émissions sur France Culture à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donc Femmes en lutte, ce sera dans Culture Monde, Sylvia Plath à l'honneur toute la semaine dans La Compagnie des œuvres, et enfin Le clitoris au bonheur des dames dans La méthode scientifique. Je vous renvoie aussi à la page des Chemins de la philo où vous pourrez écouter toute notre série sur le corps féminin et cette émission en compagnie de Boris Cyrulnik, mais aussi sur la nouvelle application de Radio France pour écouter toutes nos émissions. Et bien sûr, il reste toujours les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour nous laisser vos commentaires et vos questions.